marchand de rêve, innocent, tu éblouis les cœurs. Marchand de rêve, dans ta vie tu crois au bonheur. C'est un petit garçon un peu inconscient face à notre temps. Il a peur de rien là où les humains sont mécontents. Marchand de rêve, tu crois toujours en l'amour. Marchand de rêve, un jour ça sera ton tour. Tu aimes très fort sans se soucier, sans remords. C'est un jeune homme un peu perdu, un peu déçu, mais dans son esprit ce monde n'est pas foutu. La vie n'est peut-être pas cette ironie, mais dans son cœur il garde sa fantaisie. Marchant de rêve, oui, tu donnes à l'être humain. Marchand de rêve, le droit de croire en demain. Ceux qui te connaissent gardent l'espoir. Aujourd'hui tu es devenu un bel homme. Tu es heureux, tu es comblé, tu as prouvé comme quoi tu ne t'étais pas trompé. Pour mener une belle vie, il suffit d'aimer. Marchand de rêve, tu crois